C. Tu es championne? Voilà leur patron. On ne le connaît pas encore. Tu en achètes de très bonnes. Tu connais Marion? C'est pour toi qu'ils le font.